Il y a des poissons dans l'eau, de l'eau dans la rivière, et ta main dans la mienne. Il y a des poissons dans l'eau, de l'eau dans la rivière, et ta main dans la mienne. Il y a des poissons dans l'eau, dans l'eau, de l'eau, dans la rivière, et ta main dans la mienne.